c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de... Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, on est le 31 octobre et donc qui dit 31 octobre dit... Halloween. Et voilà. Alors, on va faire un Halloween, on va pas vous raconter des histoires avec des citrouilles et des fantômes dans le placard, des choses comme ça, mais on va vous parler de ce qui nous a fait le plus peur dans notre carrière, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qui nous est arrivé. Et donc autour de la table, nous avons Victor. Hello. Présente-toi un peu plus. Ah, c'est vrai. On doit se présenter. Eh bien, moi, c'est Victor, un participant récurrent du DevOps. Et dans ma vie professionnelle, je suis passé par une petite boîte que personne ne connaît. C'était un opérateur régional, puis Criteo, puis maintenant Le Bon Coin. Et je suis passé en gros d'admin 6 à SRE et plus dans une optique DevOps. Voilà, super. On a Barthélémy avec nous, toujours. Hello, toujours Barthélémy, donc un autre habitué de DevOps, toujours présent. Donc moi, pour ma part, ma petite expérience, ça a été de passer dans une première SS2I plutôt orientée messagerie groupware, ensuite une deuxième SS2I plutôt orientée aussi messagerie groupware, mais avec davantage d'autres technologies d'admin 6, on va dire. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans une autre boîte encore, mais cette fois-ci orientée industrie. Voilà, j'étais dans une usine à accompagner des gens qui faisaient des produits impression papier, donc de livres, de photos et compagnie. Et je suis aujourd'hui et depuis 3 ans chez Criteo en tant que SRE, DevOps et autour des technologies NoSQL notamment. Super. Et alors, je garde le meilleur pour la fin. On a une nouvelle avec nous. Bonjour. Voilà, Estelle, alors je vais te laisser te présenter un peu plus, hein, parce que les gens là, pour le coup, ne te connaissent pas du tout, enfin, sauf ceux qui sont allés dans les conférences où on peut te voir, c'est-à-dire partout en France, et à Paris, à Nantes, à Toulouse. Oui, en effet, je fais pas mal de confs. Je suis une toute nouvelle du DevOps, donc merci à vous de m'accueillir. Je viens de Montpellier, d'où mon petit accent sudiste. J'étais au départ développeuse chez un éditeur de logiciels montpelliérain, où j'ai appris les joies du code et les joies de travailler dans une équipe un peu paternaliste et un peu 100% d'hommes. Et par la suite, j'ai fait une passade aussi en SS2I. Et c'est là où j'ai découvert le produit, donc être le lien entre l'utilisateur et la tech. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis product owner. Et ma boîte où je bosse actuellement s'appelle Helium. On est une toute petite start-up, on est 12 personnes à Montpellier dans le domaine de la tech, la publicité. Super. Et ben voilà, enfin tiens, je vais me présenter pour une fois, donc Guillaume. Alors moi je suis passé donc comme Barthélémy par des SS2I au début, ça a l'air d'être le parcours traditionnel du débutant. Du débutant. Donc SS2I, ensuite je suis passé par plusieurs petites startups dans plein de domaines pour le coup, l'édition, la santé et même l'hébergement. J'ai fait aussi, je suis retourné en SS2I ensuite où j'ai été dans des cloud providers notamment. Et aussi, je suis passé par Criteo. Donc là, si vous n'avez pas compris qu'on se connaît en partie de là et même d'avant, où je suis... Et après, ensuite, j'ai fait de la prestation en tant qu'indépendant. Et là, plutôt pour des petites structures, pour un peu tout, en fait, même du bancaire. Donc voilà, donc un parcours... Vous voyez, là, on a un spectre... pour nous trois avec Victor et Barthélémy qui se ressemblent un peu, mais je pense qu'on va quand même trouver des choses à dire et à raconter sur les pires choses qu'on a pu voir. Ok. Donc pour commencer, on va en fait vous raconter des petites histoires de ce qui nous est arrivé dans plein de catégories. Pour commencer, moi ce que je voulais vous raconter, c'était des choses qui se sont passées dans la vie de tous les jours, des choses qui se passent dans la vie d'une société. Dans n'importe quel bureau. Dans n'importe quel bureau. Et Moi, je vais vous raconter quelque chose, en fait, qui s'est passé dans une grosse structure. Donc, il faut imaginer la Cogip, une grosse société avec des process un peu partout, des choses où il y a marqué sécurité. Ouh, ça vraiment. Fait peur. Voilà. Donc, imaginez vraiment cette ambiance angoissante, plein de gens avec des costards. Pas trop de cravates. On est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, plus trop de cravates. Là, hein, au bout d'une semaine, deux semaines, on vous demande d'aller faire votre identifiant. Parce que depuis deux semaines, en fait, vous ne bossez pas. Vous n'avez pas de PC, vous n'avez rien. On vous demande d'aller faire vos identifiants. Et ben, comme dans n'importe quelle grosse boîte, la machine à café. Donc voilà, tu discutes et puis tu espères que ça arrive pas trop vite. Mais voilà, un jour ça arrive, tu dois aller faire tes identifiants. Sachant que l'identifiant, la machine à identifiant était cassée avant, enfin, tout le service identifiant. Voilà, pour vous dire encore plus. Donc vous arrivez dans cette salle qui est normalement un lounge, un welcome lounge. Donc voilà, vous imaginez. En fait, non, c'est des tables en, des bancs en bois, vraiment comme à l'école, avec juste une estrade où il y a un PC. Il y avait un encrier aussi. Dell. Non, non, une toute petite salle, un tout petit bureau avec quelques chaises récupérées à gauche à droite, côté des murs. Donc c'est un lounge version cheap dans un aéroport où vous êtes en éco. Et ensuite, donc, on vous demande votre identifiant au bout de 14 personnes qui sont passées avant vous. Donc déjà, vous avez passé la matinée là-bas. Et là, on vous demande de mettre votre identifiant, donc votre nom, votre prénom, etc. Puis après, on vous demande de mettre votre mot de passe, logique jusque-là. Bon, alors en fait, le mot de passe, il doit faire 12 caractères, il doit avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Bon, bah, vous arrivez à trouver le mot de passe que vous mettiez d'habitude et puis à la fin, vous rajoutez 1 et point d'exclamation parce que c'est ce que fait tout le monde quand on veut rajouter des caractères spéciaux et voilà, et vous rajoutez un 1 parce qu'on vous a demandé un numéro et vous vous dites que la prochaine fois qu'on vous demandera de le renouveler, vous mettrez 2. Donc voilà, vous mettez cet identifiant-là, vous faites entrer et là, on vous dit ensuite maintenant, vous allez mettre votre deuxième identifiant. Pourquoi un deuxième identifiant? Ah, il y en a un pour Windows et puis il y en a un pour le Wi-Fi. C'est pas le même. Ah, ok. Bon, vous continuez parce que ça a l'air d'être les choses. Vous mettez le même mot de passe que tout à l'heure. Et là, ça marche pas. Et là, vous ne savez pas trop pourquoi ça marche pas. Et en fait, on vous dit que vous avez tout cassé à l'AD qu'il y avait derrière, que votre compte, il marchera jamais. Mais par contre, si jamais vous avez peur d'oublier le premier mot de passe, vous pourrez l'écrire sur le post-it avec le stylo qui se trouve sur la table. Et voilà mon histoire. Et voilà donc cette histoire de ce premier cas. Et donc ça, c'est vraiment une histoire réelle qui m'est vraiment arrivée. Sachant que dans la boîte, in fine, j'ai compté, j'en suis arrivé à 5 comptes différents. Donc un premier pour le Microsoft, un deuxième pour le Wi-Fi, un troisième pour le VPN, un quatrième pour se connecter au serveur Linux, et un cinquième pour se connecter, je crois, au Windows, au serveur Windows, quelque chose comme ça. Mais bon. C'est saut, ça, c'est bien. Ah oui, non, c'est vraiment génial. Il n'y a aucun est synchronisé. Ah, et aussi, non, un compte pour le GitLab, parce que le GitLab, il tournait sur la machine de quelqu'un. Bon, ça, c'est une anecdote en plus rajoutée. Mais le GitLab, en fait, il tournait sur le PC de quelqu'un, donc il fallait connaître les tâches. La fameuse prod qui tourne sur le PC de quelqu'un. Voilà, exactement. La légende est donc vraie. La légende est vraie. Là, c'était un GitLab interne, et il y avait aussi un autre GitHub. Alors, l'autre GitHub, par contre, pour s'y connecter, il fallait. Donc, on s'y connectait, ça crée automatiquement le compte. En fait, on se faisait désactiver dans l'heure avec un script cron qui désactivait tous les comptes parce qu'il n'avait le droit qu'à 50 licences. Donc, en gros, il ne laissait pas tout le monde se connecter. C'est affreux. Donc, en gros, on était obligé d'aller voir la bonne personne, envoyer un email, se rajouter dans un truc pour être rajouté dans le cron tab qui nous laissait, en fait, en gros, ça supprimait tous les comptes sauf ceux qui étaient dans la cron tab. Magique. Voilà l'histoire des identifiants à la Cogip que j'ai pu vivre. Alors les personnes qui travaillent chez GitHub, regardez ce qu'on fait avec votre facturation au compte, ce qui est un peu débile. Dans un GitHub Enterprise. Voilà, dans un GitHub Enterprise, des gens s'amusent à faire des. Mais bon, maintenant ça va devenir Microsoft de toute façon. Donc, Ça sera dans la suite Office. Voilà, ça sera dans la suite Office et dans ces boîtes-là, ça ira. En effet. T'as réussi à savoir pourquoi ton premier mot de passe avait foiré et avait cassé l'AD, enfin le deuxième. Le deuxième. Non, j'ai jamais su. En fait, j'ai dû retourner plusieurs fois dans ce truc-là. Non, ça m'est jamais arrivé. Alors aussi, peut-être pro-type là-bas, j'en suis arrivé à casser 2 PC aussi. Ah voilà, En fait, c'est le mec qui a la poisse. Hein, ah ouais, non, en fait, non, c'est pas ça que j'ai la poisse. C'est qu'en fait, ce PC-là, donc c'est un PC sous Windows, il faut le brancher à l'AD pour pouvoir faire son mot de passe. Sachant que oui, comme il est pas sur l'AD, on peut pas se connecter encore au Wi-Fi, puisque voilà, il y a plein de choses comme ça. Même si on a un compte pour le Wi-Fi, ça peut pas marcher. Donc il faut le brancher en filaire. Et donc là, on se retrouve dans une salle où, on veut le brancher en filaire, mais bon, il y a plein de monde, il y a jamais assez de câbles réseau pour tout le monde, etc. Donc là, on débranche une pieuvre, puis on branche la pieuvre. Pas d'internet. Enfin, pas de réseau, rien. Bon, on branche après une deuxième, on essaye un autre câble, on regarde avec quelqu'un d'autre, on débranche quelqu'un, on se branche dessus, puis il n'y a plus de réseau. Donc on ramène le PC, donc là on attend 10 minutes, pas au lounge, mais maintenant un autre du SI. Bon, bah on donne le PC, il nous en redonne un autre, on le teste, ça marche, ok, très bien, on retourne dans la salle de réunion, on rebranche le PC, purée, plus de réseau, il marche plus. Mais j'arrive à me connecter, puisqu'on l'a déjà synchronisé une fois, purée, plus de réseau. Et là, après, on se dit, ah, mais en fait, c'est peut-être la pieuvre qui est pas standard et qui casse les PC. Et bah oui, en fait, il faut pas brancher le PC sur le câble RJ45 d'une pieuvre, sinon ça fusille la carte réseau, et la carte réseau ne marche plus sur le PC. Alors encore des petites true stories comme ça. Comme les USB killers. Voilà, comme les USB killers. Mais alors là, c'est genre instantané, quoi. Ouais. C'est, tu le branches, t'as plus de carte réseau. Sympa. Voilà, voilà mes petites stories de vie que j'ai pu vivre dans des grosses boîtes de la Cogip. D'ailleurs, oui, pour ce genre de choses-là, on a commencé, j'ai fait un repo qui s'appelle Cogip Survival Guide, qui est sur mon GitHub, où on essaye de se passer un peu tous les guides de survie quand on est dans une entreprise type Cogip. Et donc, je vais citer une des astuces qui a été donnée par Gentux, donc Romain, qui est là de temps en temps. C'est... Et on lui a donné téléphone portable, mais enfin un téléphone fixe, donc pas une pieuvre, mais ce qu'on met sur le bureau. Il veut pas du tout l'utiliser. Et donc le tip, pour pas qu'on vienne le faire chier, c'est qu'il l'a jamais branché. Comme il est là, on lui redonne pas un, mais comme il est pas branché, personne peut l'appeler. Mais sachant que pour l'anecdote, il disait que s'il en avait pas, on lui demandait d'en avoir un. Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'il demandait de pas l'avoir, en fait, on le forçait à en avoir un. Maintenant, il en a un. Donc, plus personne ne le fait chier pour en avoir un. Mais il n'est pas branché. Donc, personne ne peut l'appeler dessus. Et donc, comme ça, les gens se déplacent ou vont le voir sur Slack ou vont le voir dans l'outil de messagerie interne. Voilà, pro tip chez vous quand vous êtes à la Cogip. Efficace. Voilà. Est-ce que vous avez téléphone fixe. Est-ce que vous avez des petites anecdotes comme ça de vie quotidienne? Alors, ouais, j'en ai une. Je pense que j'en rigole déjà. Mais... Elle fait peur ou pas? Ça dépend de quel point de vue. Sur le coup, non, c'est assez drôle. Après coup, tu te dis, putain, c'est chaud. Alors, vous connaissez tous un peu le CE dans des compagnies. Ça fait des trucs sympas, des fois. Des fois, ça fait des trucs un peu chiants. Mais bon, là, il se trouvait qu'il y avait une soirée qui était prévue depuis longtemps qui préparait, en fait, un voyage. Un voyage au ski. Et là, je vois Guillaume qui sourit parce qu'il était présent. J'étais là, je me souviens. Il se souvient. Donc, c'était une soirée où il partait en bus à 22h et quelques, ou 23h. Un jeudi soir. Magique. Et donc, ils avaient prévu, en attendant le bus, de faire la fête. Puisqu'on part à 18h, enfin, on arrête de bosser à 18h. Voilà, entre 18h et 22h, il fallait bien s'occuper, il faut faire la fête, il faut boire un petit coup. Bon, alors le petit coup s'est transformé en moyen coup, le moyen coup s'est transformé en gros coup, et il se trouvait que, ça s'est transformé en grosse fiesta. Très sympa. Sauf que, il y en a qui partent pas au ski. Notamment, moi. Je partais pas au ski. Et il se trouvait que, ce jour-là, ou quelques jours avant, on avait... Alors, je travaillais dans la messagerie à ce moment-là, donc on avait une update de messagerie à faire. Pas grand-chose. Sur la messagerie interne de la boîte. Sur la messagerie interne de la boîte. Hein. Donc, tout allait bien. Donc, il se trouvait que, même si je partais pas au ski, j'avais quand même participé à la petite sauterie. Pas beaucoup, Normalement, tout se passait très bien. Pas beaucoup, ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit. Donc, je sais pas trop, mais bon. Assez pour avoir assez de confiance. Voilà, j'avais assez confiance. T'as poussé en prod. J'ai fait ma petite upgrade normale. Et c'était toute la journée quand même, elle avait été préparée. C'était préparé, c'était quelque chose qui devait être fait. Je l'ai fait ce soir-là, parce que pourquoi pas un autre soir, de toute façon je suis là, donc... On t'a pas poussé à le faire. Personne m'a poussé à le faire. Je me suis dit, de toute façon il faut le faire, on va appuyer sur le bouton. Il a appuyé sur le bouton, ça avait l'air de marcher. Donc suite à ça, on continue à faire la fête, on rentre à la maison. Nous, on part au ski. Ils partent au ski. Donc, sachant que c'était les trois quarts de l'équipe. Le lendemain matin, forcément, il fait un peu mal à la tête. Alors, on fait la grasse mat. Et puis, c'est vendredi, donc on n'a rien à foutre. Et quand on passe le portail de l'entreprise, tout va bien. On passe la porte de l'entreprise. Ça va encore. On fait trois pas et on passe devant l'IT interne, qui était à la première porte à droite. Et là, ça va plus du tout. On nous regarde, on fait « Non, mais qu'est-ce que t'as fait hier ?» et tout. Et donc là, on réfléchit, on connecte les neurones. On fait « Ah oui, il s'est passé un problème. » Il est 11h, tranquille. Et donc, en effet, on avait pété complètement la messagerie toute la nuit, tout le matin. Je ne sais même plus comment ils s'en sont tirés parce que... Mais c'est même pas toi qui ai corrigé ? C'est même pas moi qui ai corrigé. Par contre, je me suis fait un peu engueuler. Donc voilà. Je savais qu'on avait en plus laissé un bordel, mais de malade bordel. Donc moi, bon, on va quand même finir l'histoire parce que c'était assez drôle. Bon, ok, c'était pas trop grave. Bon, ça a fait rire certaines personnes, un peu fait râler d'autres. Mais quand on retourne sur le lieu du crime, eh ben c'était jonché de cadavres. Mais alors pas des cadavres standards, c'était plutôt des cadavres de bouteilles. Donc voilà, ma punition de ce matin-là, alors qu'il y avait peut-être 80% des gens qui étaient plus là, ça a été de faire les poubelles de la boîte en question. Donc j'ai me suis baladé un peu en urgence. Voilà. Ils ont beaucoup bu, ils ont laissé, mais c'était abominable. Il y avait des bouteilles partout par terre, sous les tables, sur les tables. Il y avait des cartons entiers remplis de tu sais pas quoi. Donc bah j'ai fait les poubelles pour m'excuser. Enfin pour m'excuser, non, j'ai fait les poubelles parce que j'avais pas le choix et de toute façon je crois que j'avais pas l'autorisation de toucher un ordinateur ce jour-là. Donc j'ai fait l'homme de ménage. Donc voilà. Donc, si vous voyez les mises en prod le vendredi soir, et les mises en prod le jeudi soir bourré, c'est pas mieux. Voilà. C'est. Donc, je pense pour que la... c'est quel que soit le jour bourré, c'est pas bien. Voilà. Donc. Pas pousser en prod bourré, voilà. Non, moralité, en fait, ne soyez pas bourré au boulot, non? Non, si, mais pas pousser en prod. Si, mais pas pousser en prod. Non, non, mais c'était une très bonne soirée. Éloignez votre PC, mettez-le voilà. Loin de vous. Si jamais vous voyez pas, si vous vous dites, tiens, ça serait marrant, ou ça serait pourquoi pas, faites non. La réponse est non. Mais sachant que tous les autres autour étaient déjà aussi, on était bien amochés, ce qui fait que personne n'a fait attention. Hein. Oui, on m'a pas incité, mais je me suis mis dans mon coin, je me suis mis sur mon PC, j'ai fait clic, normal, grosse confiance. En fait, non, pas de confiance. Ok, je sais pas si Totor, t'as quelque chose comme ça, que t'as... Oh, c'est une toute petite anecdote, mais ça commence à dater. C'était dans ma première boîte. Ça va être assez court, mais... Je sais pas si vous êtes passé par des boîtes où sont tellement petites que la salle machine se trouve juste à côté des bureaux. On a vu. Si, j'ai vous connaissez. Oui, bien sûr. Et ben c'était le cas dans ma première boîte. Donc on avait une petite salle machine qui était quand même plutôt pas mal, avec un système d'extinction au gaz et tout, qui arrivait après que je sois arrivé dans la boîte, mais ça s'est professionnalisé, on va dire quand même. Donc il y avait quand même du matos. Et évidemment, il y avait une clim qui marchait bien en hiver, qui marchait un peu moins bien au printemps et qui marchait pas bien du tout en été. Donc, on s'est retrouvé un jour à aller à devoir redémarrer la clim, le groupe de clim sur le toit. Sauf que pour accéder à ce groupe de clim, il fallait. Donc les bureaux étaient au dernier étage d'une petite tour de deux étages, ou trois étages. Et donc, il fallait accéder au toit par une trappe avec une échelle, évidemment. Sauf que, pas de bol, on avait une échelle trop courte. Donc, il fallait se faire la courte échelle sur l'échelle. En plus, il pleuvait un peu, donc les pieds glissaient. Oh mon Dieu. En montant, ça va, parce que les pieds étaient encore un peu près secs, mais en descendant, c'était un peu plus sport. Donc, il a fallu monter sur ce toit, ouvrir le capot du groupe de clim. Qui est encore en fonctionnement. Qui est encore en fonctionnement, évidemment. Mais qui brasse de l'air chaud, hein, en gros. Oui, il pleut. Et, il pleut. Alimenté. Tu mets les mains dans un truc avec plein de courant, c'est sympa. Et des tuyaux un peu partout, tu sais pas trop ce que ça fait. Donc tu passes le bras dedans et là t'as un petit bouton qui est caché un peu au milieu au fond. Bouton reset, t'appuies dessus et puis tu redescends et puis tu pries que ça remarche. Ça remarche pendant 30 minutes, puis tu remontes, puis tu fais ça une bonne partie de la journée jusqu'à ce qu'il fasse plus assez chaud pour que le truc se mette en sécurité. Et pendant ce temps-là, t'as des clims de secours. En plus, voilà, c'est là où ça devient encore plus drôle. T'as les clims de secours qui ont été achetées au Darty du coin, les petites clims portables là, tu sais que avec le tuyau qui part de la fenêtre. On a vu des problèmes avec ça. Sauf que le truc, elle travaille tellement à balle que ça fout de la flotte partout, de la flotte dans une salle machine, je rappelle, avec des faux planchers, donc avec des câbles, des câbles avec du courant qui passe dans le plancher. Voilà, donc le combo gagnant quoi, clim qui marche pas, clim de secours qui fuit, c'était plutôt pas mal. Voilà, c'est les prods, les ça fait prods partie, dans les bâtiments. Oui, ça fait partie des attributions quand t'es dans une boîte où il y a 10 personnes, 10-15 personnes et que tu fais un peu tout, quoi, y compris redémarrer la clim. Réparateur de clim. Tu deviens homme à tout faire. Super. Bonne. Estelle, est-ce que tu as quelque chose comme ça? Oui, ça va être peut-être un peu plus axé pour les filles, parce que moi, j'ai vécu quelque chose qui fait peur. Toilette des filles? Même pas. Pas les toilettes des filles. Première boîte, jusque-là, ça allait bien. PME, beaucoup de monde, ça va. Premier jour, forcément, on s'apprête bien, on est des filles, on a envie d'être bien jolies. On montre au boulot, ça se passe plutôt bien. Deuxième jour, pareil. Et là, troisième jour, je lance mon PC et je vois un mail bizarre d'un gars que j'avais, qui n'était pas dans mon service et qui m'a plus ou moins dit « Estelle, tu as des magnifiques chaussures à talons, ça te va très très bien ». Alors je prends cette voix, mais si ça se trouve, il n'y avait pas cette voix, hein, c'était un mail. Hein. Mais en gros, je te remarque tous les matins et c'est extraordinaire comment tu t'habilles, ça te va exceptionnellement bien. C'était ton premier jour ? C'était mon troisième jour. Troisième jour. Donc tous les matins. C'est beaucoup mieux. Hein. Ah, ça va si c'était ton troisième jour, ça va. Mais non, mais tous les jours, quand c'est le premier, c'est. Ouais, c'est encore plus hardcore, mais. Non, mais en gros, tous les jours, il me regardait. Enfin, ces trois jours, il m'avait regardé. Et du coup, j'ai fait merde. Putain, déjà un boulet. Donc, au début, je me suis dit, bon, il va arrêter, je vais pas répondre. C'est pas grave. Ça continue. Le temps passe. Je fais deux semaines. Et là, nouveau mail. Ah, oh, ben, la robe que tu as mis aujourd'hui, ça te va très, très bien. Faudrait un jour qu'on aille boire un café. Je fais, mais merde, plus ça va et plus je vais avoir peur d'aller dans les couloirs, moi. Donc, j'ai un peu enquêté de qui était cette personne. Et en fait, il n'était pas du tout, il faisait pas du tout partie des devs. Donc, je me suis dit, bon, je vais voir. Jusqu'au jour où je vais à une réunion qui devait être assez classique. Hein. Je m'occupais de l'ERP interne de la boîte. Et on était avec les mecs de l'infra et les mecs qui avaient aussi du support. Et là, il y a un gars. Et il se présente et j'entends son nom. Je fais putain, mais ça me dit quelque chose. Et en fait, ce nom-là, eh ben, c'était le mec qui m'envoyait des mails. Et en fait, c'était le responsable infra de carrément du groupe. Et là, je fais mais merde, comment je vais faire? Creepy guy. Ouais, là, j'étais là. Ben, en fait, c'est toi là. Dans ma tête, je me disais mais merde, je vais pas arriver à finir ma réunion tranquille. Donc, j'avais des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau qui tombaient du front. Et finalement, j'en parle après une semaine avec une copine qui, elle, a eu aussi la même chose. Et là, on se dit... Par la même personne. Par la même personne. Ah. Et là, on se dit, y a un problème, quoi. Donc, on était assez flippés. Et on a su qu'il avait une copine au sein de la boîte depuis 2-3 ans. Et on avait gardé nos mails. Et on s'était dit, bon, s'il va plus loin... On peut pas faire du chantage, mais entre guillemets, lui demander de se calmer un petit peu. Vous lui laissez une petite période de grâce quand même. Vous étiez sympa. Ben, on voulait pas. On voulait. Enfin, ma copine était plus chaude pour le shot pour le faire. Enfin, je dis chaude, mais elle était. Elle était au taquet. Elle avait envie de le faire direct, mais on a été gentilles. On lui a fait comprendre très gentiment que on n'allait pas se laisser faire au détour d'une conversation qui n'était pas pour ça, mais finalement, on lui a dit et. Il a arrêté et l'histoire se finit bien parce qu'au final, plus de peur que de mal. Mais pendant un petit moment, je vous avoue que c'était pas terrible d'aller à la boîte. Et plus ça allait, et plus je mettais des choses couvertes, sans talons, sans rien. Je ressemblais à rien, un sac. Mais voilà, petite histoire flippante pour les filles, peut-être que vous avez rencontré ça. Ben, on a, enfin, ouais, enfin, c'est quelque chose qui vient en lien avec pas mal de sujets qu'il y a eu. Enfin, ça, vous l'avez vu chez Uber, notamment, etc. Enfin, c'est des choses encore qui sont allées même encore plus loin pour le coup chez Google. Enfin, après, peut-être que quand ta boîte augmente, quand ta boîte devient énorme, c'est sûr et certain que ça va arriver à un moment. Tu peux pas contrôler tout le monde. Par contre, c'est comment est gérer l'affaire. Et chez Uber, pour le coup, c'était, la nana a dû partir. En gros, on a donné raison au manager qui faisait ça. En plus, c'est le manager direct qui le faisait. Encore plus sale que ça. Et on a donné raison au manager en disant, faut peut-être que tu partes de boîte puisque ça t'ira pas avec ton manager. Oh. Alors. Ouais, pour rebondir à ce genre de choses-là, en fait, nous, ça nous est arrivé, en fait, avec Bart, enfin, dans une boîte, ça ne nous est pas arrivé à nous directement, mais il est arrivé un cas, en fait, avec une femme, pour le coup, qui a fait ça avec pas mal de gars en même temps de la boîte, au point où les gars étaient obligés de passer par l'arrière de l'entreprise pour pas passer dans l'entrée. Moi, je suis arrivé après, moi. Ça, t'es arrivé après. Je suis arrivé après. J'ai entendu les rumeurs. Mais... Voilà, les rumeurs étaient là-dessus, mais au point vraiment où des gars étaient vraiment paniqués au sein d'aller. Mais là, en plus, c'était direct, c'était pas par mail, c'était vraiment en face-to-face, dans le métro après quand ils rentraient, etc., etc. Ah ouais. Ah là, c'était la chérie, en fait. Ouais, vu et connu. Hein. Ça a pas duré très longtemps, et là, pour le coup, donc, la personne a été remerciée. Je sais plus si c'était pour cette raison-là, mais... J'espère que oui. Ça n'a sans doute pas été dit, mais ça a été fait, sachant que c'était des gens plutôt bien haut placés dans l'entreprise, hein, c'était à qui ça arrivait. Donc, mais voilà, c'est arrivé, ça nous est déjà arrivé, ce genre de choses. Mais peut-être, ouais, bah, moi, je vais enchaîner sur le harcèlement un peu qui est arrivé, c'est que... donc, il arrive ce genre de choses. Bah, moi, en fait, il m'est arrivé pas vraiment la même chose à ce niveau-là, mais sur les idées, dans une boîte... où on est passé, où bah, globalement, au début, on te fait comprendre que ce que tu penses, enfin, même dès que tu arrives, ce que tu penses, bah, en fait, on s'en tape un peu. Donc moi, par exemple, j'étais un expert déjà Kubernetes et Docker, et conteneur en règle générale, et puis on arrive, puis ton premier jour, avant même de te poser, t'as pas encore posé ton pied et ton cul sur la chaise, puis là, il y a ton responsable qui vient te voir, c'est ton N+2, 3, je sais plus combien, et arrive, et puis il te regarde dans les yeux, et puis il fait « Docker, over my dead body ». Bon, ça commence, Docker, over my dead body, ok, très bien, je suis dans la branche DevOps, tout ça de la boîte, ok, bon, on va continuer un peu. Et puis les choses continuent un peu comme ça en fait, toujours, on essaie de faire les choses, mais au début on te parle, et puis un jour en fait on dit non, mais en fait t'étais pas là, ça sert à rien que tu parles, t'étais pas là au moment des choix, etc. Et puis on en a déjà discuté. C'est validé, t'as pas vraiment quelque chose à dire. Et puis ça continue un peu comme ça. Et puis en fait, bah, moi j'essaye de faire des présentations, des meet-up, des prés internes, etc. pour essayer de faire un peu, pas d'imposer les choses, parce que de toute façon j'avais pas un talent d'imposer quelque chose, mais vraiment de faire juste découvrir à la limite. Et puis au hasard de discussion, t'apprends que globalement, on veut... Enfin, tu gênes. Hein. Ça va même jusqu'à un jour où quelqu'un se plante de chat et vient dire « Guillaume, l'écoute pas, ça sert à rien. De toute façon, il dit beaucoup de choses, mais il a jamais rien fait. » Bon, on arrive à des choses comme ça. Trompé de fenêtre, en fait. On a parlé sur Slack à la mauvaise personne et c'était moi. Et puis ça continue. Dommage. Voilà, c'est dommage. Et puis ça continue comme ça. Et ça continue même à ce que, bah, un jour, on fait un projet en interne. Et puis ce projet en interne qui est bien, il y a des gens qui veulent y participer et leur manager leur disent pour ta carrière au sein de la boîte, il vaut mieux pas que tu y participes. Je te conseille de ne pas y participer. Donc des managers ont dit ça qu'on connaissait pas, des gens à côté. Et les choses augmentent comme ça. Et ils augmentent au tel point qu'un jour, tu mets, on avait le Slack interne, et là tu lances un article qui dit. Que pour le bien de l'entreprise, il faut enlever ses privilèges et donc laisser de la place à ceux qui pensent pas pareil. C'est un article américain, sans rien du tout, ça parlait d'une conférence. Il y avait rien dedans. Et cet article-là est répondu par ton N+3 du début et avec des phrases ultra incendiaires du type « I will not tolerate it », notamment, en majuscule. Et ce truc-là est mis sur Diège Général, sur 3000 et quelques personnes de la société. Et ça va même aussi, à d'autres moments, sur d'autres Slack où on discute avec quelqu'un de manière, un sujet technique. Là, pour le coup, c'était en plus sur Borg et sur Kubernetes, donc vraiment un sujet très technique, sur un chain Python, vraiment ultra technique, dans un thread. Et là, il y a une discussion animée, il n'y a pas d'insultes ni quoi que ce soit. Et là, d'un coup, pop sur le chain, le N+2, le N+3, le N+1000, je sais pas combien, qui pop sur le chain et qui viennent commenter directement dessus. Et voilà, les choses augmentent comme ça. Et puis en fait, après, et tout ça dans une ambiance ultra délétère où vraiment il y a une sale ambiance. Et puis un jour, en fait, on apprend que un de ses collègues dans une autre équipe à côté, il a un problème en fait. C'est-à-dire qu'il s'est barré pendant plusieurs mois ailleurs, que là il vient de revenir, qu'il en pleure, qu'il veut pas aller au boulot. Et moi, bon, je suis pas directeur du personnel ou je suis pas syndicaliste, mais tu te dis quand même qu'il y a un problème, donc tu vas voir les RH et puis tu leur dis c'est pas normal en fait. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour qu'il y ait ça et qu'est-ce qui se passe dans toutes les autres à côté pour que l'ambiance soit comme ça. Et là, en fait, le RH te sort son petit calepin et sort une liste de la Stasi de tout ce que tu as fait dans la boîte et de à quel point toutes les fautes sont des tiennes. Dans telle réunion, dans tel déjeuner d'équipe, où il n'était pas, hein, c'était quelque chose donc, de rapporté. Donc un calepin de la Stasi avec exactement tout ce qui a été dit, rapporté par tous les managers. Et en fait, tu aperçois que dans cette boîte-là, tous les managers reportent tout au RH de tout ce qui s'est passé pour avoir un... Et ça m'a été confirmé après par des gens qui étaient encore dans la boîte et d'autres qui n'y sont plus maintenant, où c'était une pratique courante faite par les managers. Et ça fait ultra peur. Voilà. Et donc voilà, c'est le but d'une soirée Halloween. Ah ben là, moi j'ai peur. Voilà. Et ben c'est voilà, ça se passe dans des boîtes comme ça. Sans les frissons là. Voilà. Et les gens viennent te voir en secret sur Slack en disant ah oui, ça arrivait à plusieurs de mes potes. Alors que qu'est-ce que t'as fait? Enfin, alors qu'est-ce qui s'est passé? T'apprends ça en fait au fur et à mesure. Il y a des gens qui viennent te voir qui te disent ah je sais ce qui t'est arrivé parce que c'était prévu. Enfin on l'a voilà. C'est là où tu vois que les RH sont là pour protéger la société des salariés et pas l'inverse. Bah bien sûr. Alors ça quand je dis ça en interne on me croit pas. On me dit oh non les RH ils sont là pour t'accompagner, pour te guider, pour t'aider à grandir. Bah, non les RH ils sont là pour te virer. Ils sont là pour protéger l'entreprise. Voilà c'est ça pour protéger quoi qu'il arrive. En fait, il faut voir que historiquement, ils ont été faits pour casser les syndicats. Avant, il n'y avait pas de RH. Les syndicats avaient tout pouvoir. C'était eux qui faisaient tout dans une société pour les employés. Et en fait, pour casser le rôle des syndicats, on a créé les RH. Pour faire semblant, regardez, on vous met des gens à temps plein. Après, il y a un rôle administratif aussi. Oui, non, mais c'est... Avec ça, mais... Mais voilà. Mais donc là, c'est quelque chose. Et en fait, ça vient même au point que depuis... en fait, il y a des personnes à qui j'ai dit ça... qui ont arrêté de me croiser dans les couloirs, en fait, qui ont changé de porte. Et c'en est même arrivé où des gens qui n'étaient plus dans la société, qui sont maintenant dans d'autres structures, arrivent dans des conférences ou dans des tables rondes à parler de mon cas, en disant, enfin, alors qu'ils n'y étaient plus dans la société, ils n'étaient pas là. Que tu les as jamais croisés, en plus. Que je les ai jamais croisés, puisqu'en fait, ils sont partis le jour de mon départ, enfin, le jour de mon arrivée, et arrivent à dire des choses sur moi, de qu'est-ce que j'ai fait, alors que, en plus, ça n'avait. Donc, en fait, ce truc-là arrive à être dans un truc, comme si, en fait, c'était le voilà, tu as été harcelé en mode violent, alors que, en plus, enfin, j'ai jamais fait. Il y a le harcèlement psychologique, voilà, il y a le harcèlement direct, il y a du harcèlement. Voilà, là, il y a tout. Là, c'est un panel assez important. On n'est pas arrivé jusqu'au harcèlement physique et au harcèlement. Encore vrai. Voilà. Mais on est arrivé quand même jusqu'à un point comme ça, assez important. Donc, ça existe. C'est pas du harcèlement sexuel, j'y mettrai jamais sur le même pied, mais les mêmes choses en fait arrivent là-dedans. Et même après, il y a un sentiment de honte que les gens ont à le dire. Donc là, je le dis là maintenant, je donne pas les noms, mais peut-être un jour. Mais il y a un sentiment de honte en fait qui se fait face à ça. La preuve, j'ai pas porté plainte. Donc en fait, c'est quelque chose qui se fait comme ça. Après, c'est dur à prouver ce genre. C'est dur à prouver, mais il y a des choses comme ça à dire. Et voilà, j'en ai même pas parlé. C'était déjà il y a plusieurs années maintenant. Donc voilà les petites choses qui peuvent faire peur. Ouais, je vais enchaîner plus rose que les descentes de harcèlement. On va revenir à des trucs plus sales. Non, il ne faut pas les faire. Plus sales. Je ne vais pas encore parler de script bash, on pourrait. Mais, dans la lignée... On verra après. Dans la lignée de ce qu'avait dit Victor, moi, ça m'a rappelé une petite anecdote très rapide. C'est, pareil, une salle serveur qui est quand même bien installée, qui est là pour épauler. Il y a quoi? Il y a une bonne quinzaine d'armoires quand même. Mais elle n'est pas très grande, mais il y a quand même 15 armoires. Il y a des bêtes disques, il y a plein de choses. Ça tourne, c'est très bien. Moi, il se trouve qu'un jour, il y a un technicien qui vient intervenir, un technicien de chez nous, un interne, qu'intervient, il est dans la salle, et puis d'un seul coup, grosse alarme, on sait pas ce qui se passe, il y a de la fumée partout dans les bureaux, ça se propage dans les bureaux, ça se propage dans la salle de pause qui était à l'opposé, on sait pas trop ce qui se passe, donc bon, on sort, on va voir, qu'est-ce qui se passe. En fait, il y a le système d'azote pour anti-incendie qui s'était déclenché, donc on sait pas trop pourquoi, bon, il s'est déclenché, il y a de la fumée partout. Donc bon, c'est assez étonnant, donc on faut pas rentrer parce que l'azote, on peut s'asphyxier et tout, donc on aère tout, on vérifie. Il y a eu une coupure de courant, bon ben soit, il y a eu coupure de courant, hein. On va relancer les serveurs, donc il y a toute une procédure, on y passe plusieurs heures à tout relancer. Assez ennuyeux comme situation. Et puis quand on relance tout, on voit qu'il y a plein de serveurs qui rebootent pas. Merde, qu'est-ce qui se passe? Un grand classique. Vous avez retrouvé quand même le collègue qui était dans la salle? Le collègue, oui, lui, il est sorti. Non, voilà. On l'a retrouvé, quand on a rebrandi. On l'a mis dans un coin. Sorti, on sait pas pourquoi, quand il était là, on s'est demandé, est-ce que t'as allumé une clope? Est-ce que t'as fait quelque chose? Ou non? Bah, juste, il était là. Ça a dû déclencher quelque chose d'une manière où il a dû avoir de la vapeur d'eau. Enfin, on, aucune idée de pourquoi ça commence à se déclencher, mais ça s'est déclenché. Et donc, on a deux énormes bouteilles de gaz d'azote qui se sont déversées en quelques secondes, je pense, dans la salle. C'est assez marrant. Enfin, en tout cas, c'était marrant à voir, déjà. Il est mort, donc... Mais il est mort. Ce qui était moins marrant, c'est qu'en fait, ce système-là de dégazage, et bah, d'extension des gaz, de plein de choses, bah, en fait, le fait de décompresser rapidement un gaz, c'est bien, mais ça crée des ondes de choc, des ondes mécaniques. La data ? Exactement. Donc, oh. Ces ondes mécaniques qu'on appelle parfois aussi des ondes sonores, et bah, ça crée pas mal de vibrations dans la pièce. Et ces vibrations-là, bah, les disques durs, ils aiment pas trop. Et donc, on s'est retrouvé, je sais plus, avec entre, j'ai plus le chiffre exact, mais il devait y avoir moins de 100, entre 50 et peut-être 100 disques qui avaient sauté à ce moment-là. Et donc, bah, nos serveurs ne redémarraient plus. Il y a certains où le raid, bah, les deux disques du raid, ils avaient sauté. Enfin, c'est un truc cataclysmique. Notre bête disque, alors elle était par chance éloignée de la buse de décompression, mais on pouvait faire une espèce de map avec des cercles concentriques et voir que bah, les serveurs qui étaient les plus proches du blast radius. De la buse, ouais, il y a une espèce de blast radius, un truc cataclysmique. Et donc, quand vous avez un système de sécurité, testez-le. Alors certes, quand c'est du truc à base de bouteilles de gaz d'azote, c'est difficile à tester, mais bon, voilà, sachez-le. Ça peut faire ce genre de, voilà, de décompression d'un gaz rapide dans une petite pièce, ça fait sauter des disques durs. Alors, vous aviez un backup ? On a réussi à s'en sortir, ouais. Bon, ça a été. Mais ça demandait un peu de taf. La finalité de l'histoire, c'est qu'on a appelé quand même, notre DSI a appelé les gens qui s'occupaient de ce système de sécurité-là, et ils ont transformé les buses, ils en ont mis deux ou trois, je sais plus, et puis ils ont changé le type de buse pour que ça fasse moins de vibrations, et qu'il y ait autant de débit, mais avec moins de pression, enfin, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils ont changé des choses. Voilà. Petite frayeur. Voilà. On va passer peut-être maintenant sur une partie plus développement. Tu parlais de Bash tout à l'heure. Ouais. Rentrons peut-être un peu dans des scripts. Ça prendra peut-être même d'ailleurs un peu moins de temps. Les bâcheries. Moi, je vais vous raconter le pire code que j'ai vu de ma vie. Le pire. Le pire, c'est qu'il est open source. En fait, ce code-là, c'est le code d'un driver Moxa. Alors, Moxa, c'est la marque, c'est une marque taïwanaise qui fait des boîtiers type industriel. Alors là, ce cas-là, c'est un boîtier qui transforme du port série en Ethernet. Et alors, cet Ethernet-là, après, il faut le retransformer en série sur le PC qu'on veut. En fait, ça te permet d'avoir des ports série de très très longue distance via l'Ethernet, en utilisant un câble Ethernet. Et donc, en fait, c'est des paquets IP, donc le boîtier a une adresse IP, etc. Mais quand on arrive après sur le serveur Linux où on veut, il faut un module pour le transformer en nouveau port série, un port série virtuel qui est le port série à l'autre bout de l'usine là-dessus. Et alors, ça s'appelle Real TTY. Et donc là, je faisais donc on en avait besoin, nous, c'était dans un milieu, on avait besoin de ce module-là pour récupérer les données. Et en fait, j'ai un jour essayé, naïvement, d'automatiser l'installation de ce driver-là, et donc de le faire en paquet Debian, là, pour le coup, mais voilà, en essayant d'améliorer un peu les choses. Donc on y arrive un peu, on voit un peu comment ça s'installe, c'est du code C à compiler, voilà, ça se passe très bien. Puis à un moment, on comprend pas la moitié, on installe les scripts qu'il y a dans la doc, etc., mais il manque quelque chose, il y a quelque chose qui s'installe pas, il nous manque des fichiers. Et en fait, on va voir un peu plus loin dans le code, et en fait quand on exécute le code C, en fait ça écrit des fichiers. En fait, on va voir un peu plus loin dans le code, et en fait il y a des system shell dans le code C qui font des échos avec des pipes dans un fichier, et en fait on a plein de code bash dans un code C qui est exécuté au moment de l'installation. Donc on a vraiment quelque chose, enfin vraiment le truc le pire du monde. Je me suis arrêté là. J'ai dit à la boîte qu'on n'utiliserait plus jamais ce genre d'outil-là. Et au final, on s'en est sorti sans ça. Mais voilà le code le pire que j'ai vu là-dessus. Donc c'est pas que du bash, c'est du bash dans du C. C'est du C qui génère du bash. Voilà, c'est du C qui exécute. Bashception, j'aime bien. Voilà le code le pire. J'en ai vu beaucoup du code dégueulasse, mais celui-ci c'est le pire. Je sais pas si vous avez des bâcheries. Parler de. Bah. Si vous voulez, j'ai encore une autre, une petite autre. Alors, c'est toujours dans l'automatisation. Donc, c'est dans l'automatisation d'OpenStack. Donc, le but, c'est donc d'avoir tout un mécanisme d'automatisation autour d'OpenStack. Et pour ça, souvent, il faut faire des vérifications. Il faut voir si ce qu'on a fait, c'est bien fait. Et donc, pour pouvoir après aller se redéclencher pour l'idempotent souvent des scripts. Donc, pour ça, il faut récupérer les informations. Bon, OpenStack, c'est une API. On se dit, bon, bah, le code, c'est du code Ruby. Le code Ruby va aller appeler l'API. Et comme ça, on a toutes les infos. Puis en fait, on s'aperçoit un jour que genre, le code de l'API, il est mort et ça marche quand même. Enfin, il y a un truc vraiment, on comprend pas. Genre, enfin, même, je crois qu'on avait installé le strict minimum sur une machine et puis ça marchait pas. Ça disait qu'il manquait l'exécutable de l'appli. Puis, enfin, c'était bizarre. Et en fait, en diguant un peu dans le code, ben, on s'est aperçu qu'en fait, pour créer des objets Ruby, ça lançait la ligne de commande. La ligne de commande, en fait, elle avait un pretty print, donc ça mettait des dièses, dièses, dièses, dièses, dièses un peu partout, et des slash et des choses comme ça pour faire un truc joli. Et en fait, ils avaient créé un script pour parser ce pretty file et en faire un objet Ruby à la place qui après pouvait être manipulé. Et ça, c'était assez fort. Quand je suis tombé là-dessus, je trouvais ça très, très, très beau. C'était très, très chiant. C'était imbitable comme code. Mais voilà, ça utilisait le pretty file pour créer du code Ruby, des objets Ruby. Voilà, voilà ce que j'ai déjà vu comme dev. Si vous avez dans du code affreux, je suis en train de réfléchir. Sinon, moi j'en ai un. Où est-elle peut-être? Bah, un petit peu, ouais. Vas-y. La plus dev, lance-toi. Oh, je suis la plus dev. J'étais la plus dev. Non, j'ai un exemple, mais c'était pas fait par moi, donc du coup, c'est bon, je peux en parler. J'étais dans ma première entreprise et on gérait les factures. Qui dit RP dit on gère de la commande à la facturation. Et il arrive que c'est décembre et qu'on va générer les factures de maintenance de l'année entière. Donc là, c'est le gros moment où en gros, c'est donnez-nous du cash, allez-y. Donc ces factures sont super importantes. Et il s'est avéré qu'on a refait le système de facturation qui était avant en VB6 en C#, parce qu'on passait à des nouvelles technos, parce que je vous laisse imaginer VB6. Je ne sais pas si vous avez connu, mais c'était vieux de la vieille. Et on était déjà en 2000, j'ai peur de dire des bêtises, 2015-2014. Ah oui, c'est... Okay. VB6 en 2014, d'accord, hein, okay, toujours. Ouais. Hein. Donc, c'est ça qui fait peur, là, dans l'histoire. Ça fait peur. Déjà, utiliser un ERP en VB6, ça faisait peur. Mais bon, bref, on s'est dit, on va basculer en C#. Bon, jusque-là, tout va bien, test, tout va bien, et on lance en prod. On génère les factures, on teste une ou deux factures, ça a l'air d'être bien, bah go prod, on les envoie, c'est parti. Donc on fait ça, bah, on va dormir, tout va bien, on était contents, on s'est dit, ah, c'est bon, on l'a livré avant la deadline du 31. Ça, je connais ça. Tu mets en prod. Je mets en prod. Mais j'étais pas bourrée. L'équipe était pas bourrée. Mais bon, bref, on revient 2 jours après, là, la facture nous dit, c'est bizarre, il y a un client qui nous a appelé et qui valide pas le montant qu'on a mis sur la facture. C'est bizarre. On prend la facture, on regarde en base et en fait, on sait pas comment. Et je sais même pas si j'arriverai à vous l'expliquer parce que je crois que j'ai oublié. Mais il y avait eu un random sur le prix des factures en fonction des clients. Donc c'est-à-dire que c'était une maintenance annuelle normalement qui devait se dérouler. Et le mec il paye tant par mois, donc du coup annuel fois 12, tout va bien. Ben là en fait il y a des mecs qui devaient payer 1 000 euros qui avaient des factures à 34 000 euros. Tout va bien. Et vice-versa, tu avais des mecs qui devaient payer ça 5 000 euros de maintenance. Ben non, ils avaient 300 euros. Donc c'était un peu Noël pour certains et pas trop Noël pour d'autres. Donc quand on a su ça, ben, on a eu très très peur. Donc moi qui devais gérer le projet, j'ai dit merde, alarme, vite. Est-ce que vous avez envie de toutes les factures? Ben oui. Ah, merde. C'est merdique. On va envoyer vite un courrier. Il faut faire un truc, quoi. Il faut s'excuser. Il faut dire ne prenez pas en compte le courrier, s'il vous plaît. Et en fait, je suis allée voir le DAF parce qu'il n'y avait personne qui bossait à ce moment-là de l'année. Et je vais voir le DAF. Et deuxième truc qui fait peur, il dit non, mais on va attendre que le directeur revienne. Mais j'ai dit, mais il revient dans 4 jours. Il me fait non, mais on va vraiment l'attendre. On peut pas faire ça sans son aval. J'ai dit, mais attendez, les clients, pendant 4 jours, il va avoir des factures qui n'ont rien à voir. Et vous laissez ça. Oui, oui. Je dis, moi non. Donc, du coup, j'ai envoyé vite un mail à la direction. J'ai dit, fuck off, faut qu'on s'excuse, on régénère un truc et on corrige. Et voilà, ça s'est passé en décembre. Et on s'est fait bien taper dessus. J'ai dû présenter mes plates excuses. Même ma chef l'a même pas fait. Hein. Ma chef s'en foutait royalement, mais moi, j'y suis allée. Et heureusement, nous n'avons pas eu de plainte et tout le monde a payé sa facture. Mais c'était quand même le d'abord. Est-ce qu'il y en a qui ont payé plus? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y en a qui se sont plantés qui ont payé 34 pas. Au lieu de... Eh ben même pas, parce qu'on a fait ça bien au final. On a envoyé une... Ça aurait pu être le pourboire de la fin d'année, justement. Ah, joli pourboire. 13e mois. Bah, je pense qu'ils ne l'auraient pas donné quand même. Mais non, voilà. Tu nous fais une carvielle à l'envers. Ouais, mais une carvielle à l'envers. Et, comme si ça redonnait l'argent quand bah, tu l'avais trop. Ça serait génial. Qui a déjà redonné du fric quand on se plante, que la personne elle se plante dans la monnaie. Oh, tu dis tu paieras moins l'année prochaine. On te rend pas de sous, mais. Ouais, après, oui, karma, hein, tu sais, karma is a bitch. Hein. Non? Tu sais pas que si tu fais de la merde, ben, le karma va te rattraper pour te faire payer? Non. Faire bouffer ta merde. Sauf si tu retournes pas dans le même magasin, en fait. Ou, voilà. Mais ouais, moi, j'ai deux, trois trucs, mais plutôt côté infra, en fait, côté ops, des choses qui me sont arrivées. Alors, moi, notamment, il y en a une où, en fait, quelqu'un part l'entreprise, donc tout était bien automatisé. Vraiment une anecdote super rapide, mais pour vous dire comment c'était. Quelqu'un part de l'entreprise, quelqu'un d'assez important quand même dans l'infra. La personne part de l'entreprise, donc son compte est retiré de l'automatisation, donc il est supprimé partout parce qu'on ne veut pas que la personne puisse se reconnecter, bien sûr. Normal. Et puis, ça foire sur certains serveurs. On fait, bah mince, pourquoi ça foire? On va diguer un peu. Et là, en fait, on s'aperçoit que sur certains serveurs, le compte n'arrive pas à être supprimé. On digue un peu plus, on essaie de voir, on essaie de faire la main, on user del, tout ça. Puis là, on dit, non, le compte peut pas parce qu'il est utilisé. Ah, pourquoi? On digue un peu plus. Et en fait, il y a des screens de lancer. Screens de lancer en background, avec qui lance des trucs, on sait pas quoi. Et en fait, on a mis plusieurs jours avant de le supprimer parce qu'on ne savait pas ce que faisaient ces screens et on a eu peur que les screens fassent tourner la prod, en fait. Mode Shadok, quoi. Voilà, on continue à faire la même chose parce qu'on sait. Qu'il y ait quelque chose. Bah ouais, mais parce qu'on savait pas si ce script-là ne faisait pas tourner des scripts importants, des choses importantes de la prod, etc. Et donc on a mis plusieurs jours. Et en fait, on les a retirés un peu en mode YOLO, en se disant. Bon, si ça gueule pas, c'est que c'est bon. Et on l'a fait. Et parce qu'il y avait des screens qui tournaient en prod, en prod de site. Donc voilà, moi, un petit truc qui me soit arrivé là-dessus. Victor, tu avais un truc à dire aussi sur le dev? Moi, c'était sur la partie dev, du coup, je reviens sur la partie dev. Mais bon, le pire code que j'ai eu, bah, c'était dans ma première boîte aussi, comme Estelle, mais c'était il y a quelques années en arrière déjà. Tu faisais du VB6, du VB4? Non, du PHP. 3, du VB... PHP. Crystal Report. PHP, et je crois qu'à l'époque, c'était déjà PHP 5, mais c'était écrit en PHP 4, donc c'était du PHP 4. Donc c'était déjà vieux à l'époque. Et c'était... Dans cette boîte-là, je m'occupais notamment de gérer la VOIP avec du astérisque, pour ceux et celles qui connaissent. Ouais, oui, évidemment. Ça fait rêver. Et obélisque. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait, celle-ci. Celle-ci, elle n'a jamais été. J'ai jamais faite. Et donc, ce code, c'était donc une interface qui permettait d'administrer de l'astérisque avec une web UI. Avec du PHP 4. En PHP 4. C'était un code qui avait été écrit, évidemment, totalement non versionné, hein, pas de Git, rien du tout, ça aurait été trop facile. Donc tu te retrouves avec ce truc-là sur les bras et tu t'essayes de gratter un peu des infos et en fait tu te rends compte que c'est du code qui a été écrit par des potes du patron qui ont fait ça un peu en mode YOLO, voilà, juste pour... Just for fun, just for flues. Avec tout un tas de trucs dedans, une lib PHP, PHP peer ou pair, je sais même comment on dit. PHP peer, un truc, une espèce d'extension de PHP pour faire tout un tas de trucs à l'époque qui n'étaient pas embed directement dans PHP. Sachant que la version de la lib qui était utilisée, c'était une version une vieille version. Évidemment, elle était modifiée, patchée n'importe comment. Dès que tu touchais à une ligne de code à un endroit, ça pétait tout le reste. Régression. Ouais, il y avait zéro test. Il y avait vraiment que dalle. Et c'était l'enfer. Et c'était ça, vous le vendiez. Et ça, alors oui. Le pire, c'est que non seulement on le vendait, mais on le vendait à des clients directs de cette boîte-là où j'étais. Et on le vendait aussi comme solution revendeur. En marque blanche. En marque blanche. C'est-à-dire qu'on vendait à des personnes, à d'autres boîtes qui faisaient un peu du business comme nous. De la merde à vendre. Et eux, ils retouchaient. La version que eux avaient tournait sur des serveurs auxquels nous, on avait accès. Cette boîte-là, la boîte où j'étais avait accès. Pour pouvoir pousser la nouvelle version du code. Simplement, ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait le logo à la main en statique dans le code. Donc, tu te retrouvais avec des... Et puis, évidemment, ce qui devait se passer, c'est que tu te retrouves avec des versions qui sont toutes complètement différentes un peu partout. Donc, c'était complètement what the fuck. C'était c'était franchement immaintenable, c'était l'enfer, voilà, c'était mais ça fait des souvenirs. Et j'ai bossé là-dessus pendant pas mal de temps et avant que je parte, j'avais entamé un projet de refonte complète de ce truc là from scratch parce que à un moment j'ai dit à mon boss non mais écoute faut arrêter les conneries, faut refaire depuis le début. Bon, j'ai jamais mené le truc au bout parce que j'ai pas eu le temps mais c'était l'enfer. Moi, j'ai des histoires aussi sur les projets. Moi. Bart, vas-y. Moi. Oh, allez, on laisse Bart. Côté Ops, juste un petit aparté sur les pratiques des SS2I. Alors, les pratiques des SS2I, on pourrait en dire beaucoup, beaucoup. Il y a plein de choses à dire. 3, 4 podcasts. Alors, je dis, ouais, au moins. C'était il y a des années et des années maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 7, 8 ans? 8 ans que je bosse, 9 ans, je sais plus. En fait, vous êtes vieux. Non, je rigole. Non, ça fait 9 ans, ouais. 9 ans, donc voilà, ça fait, c'est de l'ordre entre 6 et 9 ans. Donc les SS2I, sachant que pour tous les futurs diplômés et futurs juniors des SS2I, sachez qu'à partir du moment où vous posez le pied en SS2I, vous êtes expert. Pas en interne, mais en externe. Vous êtes peut-être pas... Vous êtes vendu comme un expert. Vous êtes expert dans une technologie, dans un savoir-faire, dans une langage. Surtout celui que tu mets à la fin, la technologie que tu veux même pas avouer toi-même que t'en as fait, mais de voire ça, même la technologie que tu découvres, que c'est la première fois que tu la vends dans la société. Oui. Voilà, mon cas particulier. Donc, j'ai plusieurs cas même de ça. Alors, t'étais expert en quoi? J'étais expert, par exemple. Alors, la messagerie, c'était mon domaine, donc j'étais forcément expert à ce moment-là, même si j'avais que 2 ans. Ah, t'as fait du Zimbra, c'est ça? Et ouais, Zimbra Collaboration Suit. Je partage ta douleur. Ouais, non, mais c'était bien Zimbra à l'époque. C'était VMware. Ça a été racheté. J'en ai fait avant que ce soit VMware. Après, ça a été revendu, re-racheté, bref. Non. Je sais pas si vous connaissez... Shibboleth, le projet Shibboleth. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est open source. On dirait un nom complètement random. Non, on dirait le nom d'une saucisse. Un nom babylonien ou hébreu, je sais pas trop. Viens, on va faire une shibboulette Je pense que c'était une blague. T'as un peu de shibboulette pour assaisonner ton plat, là. Je pense que l'origine des mots doit être assez proche. Ouais, on a toujours trouvé des noms comme ça. Mais voilà, donc c'est un projet qui fait de la fédération d'identité, du SAML. C'était hyper moderne il y a 6 ans, quand on faisait du SAML. Waouh, la fédération d'identité, les DSI ne connaissaient pas, ou ils connaissaient à peine. Et donc, ils connaissaient Kerberos, ils connaissaient l'AD, et puis ils connaissaient les serveurs Linux et il fallait bien les connecter. Alors, comment ils les connectent? Nos super commerciaux de génie, ils ont dit, nous on va le faire, quoi, on n'est pas cher, on va le faire. Et puis, comment on va le faire? Qu'est-ce que tu poses de questions, toi? Comment on va le vendre? C'est surtout combien, c'est pas comment qui compte. Et après, on envoie l'expert. Et après, on envoie l'expert. Sauf que l'expert, il est prévenu 24 heures avant. Qu'il y a un contrat à remplir et que surprise. C'est pour ta gueule. Donc, c'est surprise. C'est, faut que t'ailles, crédit du Nord, de je sais pas où, du Nord et du Sud en même temps. Faut que t'ailles faire ça. Et toi, tu pleures, tu passes ta soirée à lire Google toute la nuit. Mais je te rappelle que je crois qu'il soit aussi arrivé que tu sois allé dans une mission, tu savais même pas pourquoi. Ah non, j'ai eu pire. Donc ça, donc tu t'en sors. Et honnêtement, je sais pas comment j'ai fait. À la fin, j'avais un prototype qui marchait. J'ai dû y passer une semaine ou une semaine et demie. Parce que bien entendu, si c'est pas cher, c'est pas long. Voilà, donc t'y passes quelques jours, tu sues des larmes de sang et à la fin, ça marche. Donc j'étais très content de moi, mais j'étais très, très, très fâché avec ma société. Je sais pas, on a peut-être tous connu des commerciaux qui vendent des trucs improbables. Il y a le cas 2 où tu dois aller faire, du coup, t'es pas codeur, hein, mais tu connais un petit peu, tu dois aller faire de l'analyse profonde de code pour savoir ce qui va pas et tout. Ok. Pendant 3 mois, ok. À Lyon, pourquoi pas. C'est bien Lyon. Ouais, j'ai appris, je connais des bons restos maintenant. Enfin, ça fait des années que j'y suis pas allé maintenant. À l'époque, j'avais mes petites adresses. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai eu le SAML, j'ai eu l'analyse de code PHP débile, que je connaissais pas le framework, que j'ai dit, ouais, là, je pense qu'il y a quelque chose. Mais en fait... Des fois, pour partir dans le sud, tu partais le dimanche en voiture. Alors, dans les pratiques débiles des SS2I pour nos futurs jeunes diplômés et juniors des SS2I, il y a aussi le fait que, on vous prévient... genre le jeudi ou le vendredi soir, que en fait le lundi vous vous retrouvez je sais pas à Agde ou au fin fond du Larzac, c'était pas le Larzac, c'était le plateau des 1000 vaches, un truc comme ça, à faire de l'installation de messagerie ou à pire encore, Pire encore, vous devez installer un serveur, et vous arrivez dans les locaux, vous faites bah, « le serveur, il est où ?» Et bien là, on vous pointe le doigt, il y a un carton par terre. Et le serveur, il est dans le carton. Donc il faut ouvrir le carton, poser le carton sur la table, mettre le serveur sur la table, tout faire de A à Z. Enfin, que des trucs absolument, mais que vous, enfin, j'ai jamais vu ailleurs que dans ce genre de mission. Ça va, t'as pas eu besoin d'aller à Montgalet, hein. Enfin, c'est déjà, ouais, voilà, Montgalet. J'aurais pu. Montgalet. Pour monter le serveur. Ah, la paparazzi. Ah, la paparazzi, ah, oui. Ah, oui, trop jeune. Trop jeune. C'est la rue, c'était très, c'est la rue du revendeur. Bah, maintenant, parce qu'il y a Internet. Il y a Internet. Mais dans les débuts des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, surtout le début des années 2000, c'était la rue où tu allais acheter ton matos. Voilà, c'était la rue du matos à Paris qui était... C'était... trusté par les Chinois. Voilà. Et donc, avec toutes les devantures, avec tous les prix, et aller chercher des devis, etc. C'était la marketplace avant l'heure, quoi. Voilà, c'est ça. C'était le avant Amazon. C'était le Amazon. Et donc, il y avait des sites même de référencement, des prix, etc. Des rues-mongalais.com. Vous pouvez comparer les prix de toutes les boutiques de la rue Mongalais. Ah non, c'était dingue. Donc, on se faisait des petites checklists, on allait acheter... Donc, c'est le shopping, c'est la rue shopping. Il y avait un surcouf à côté. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'était la grande époque du surcouf. Ah là là. Je connais pas, mon Dieu. Je vais juger. Non, t'as peur. Non, mais là, ça fait peur parce qu'on est vieux, en fait. C'était le Halloween. Merde, on est vieux. Ah, ça existe encore, rue Mongalais. Moi, j'ai un truc sur les déploiements. Donc, t'as parlé tout à l'heure des déploiements quand l'application, elle est in-house, complètement random, etc. Moi, même sur des logiciels open source, je peux voir vous dire quel est le pire que j'ai vu. Normalement, vous vous dites, bon, un logiciel open source, on le fork, on le met en interne. On fait notre petite branche, on fait notre développement et on fait des PR de temps en temps. Voilà, un workflow complètement classique là-dedans. Là, non, moi, j'avais une boîte où le workflow, il était celui-ci. Les développeurs devaient faire des blueprints pour demander est-ce qu'on a le droit de développer à la communauté. Une fois que la blueprint est validée, on a le droit de développer la fonctionnalité. Une fois que la fonctionnalité est développée, elle est poussée à la communauté. Une fois qu'elle est poussée à la communauté, elle est releasée un jour, c'est-à-dire que la PR est mergée dans une branche backportée ou quoi que ce soit, mais ça c'est la communauté qui gère. Une fois que c'est releasé avec une version, je sais pas, 1, 2, 5, là on a une entreprise externe qui la package, parce que le package et toute la CI est fait par une entreprise externe. Une fois que cette entreprise externe l'a packagée, elle l'envoie par mail dans un zip, les paquets Debian, à une autre équipe. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de l'équipe de développement. C'est envoyé à l'équipe d'intégration, enfin, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est envoyé à l'équipe d'intégration. Cette équipe d'intégration les met sur ses repositories d'artefacts. Elle, des fois, donc, ah oui, entre-temps, ils ont rajouté des patchs dans les repositories, dans le paquet Debian, parce que sinon, c'est pas drôle, le paquet Debian, il faut toujours rajouter des patchs. Donc après, c'est mis comme ça. Après, ces paquets-là sont installés via l'outil d'automatisation sur les serveurs. Et des fois, quand il y a un bug critique à corriger, les patchs sont faits via la ressource patch de ce logiciel d'automatisation. Donc en gros, quand il y avait un problème qui arrivait, des fois le support venait et disait « on comprend pas, il y a tel bug », ils venaient voir les devs. Normal, c'est les devs qu'on va voir quand il y a un bug. Bah, les devs étaient incapables de savoir le code qui tournait. Puisqu'en fait, entre le moment où ils avaient fait leur PR, le temps où la communauté l'avait réalisé ou pas, le packaging avait été fait sur quel tag, quelle branche, etc. Impossible de savoir. Git, hein, quand même. Voilà, etc., etc. Et voilà le workflow qui était utilisé. Ce qui fait qu'en fait, donc, ils étaient tous dans la même boîte. Mais ils étaient tous en fait complètement séparés. Et en fait, il y avait une porte battante entre les deux équipes, entre l'équipe qui était l'équipe d'intégration, celle qui installait, et même l'équipe d'ops, et l'équipe de développement. Et donc, c'est pour ça que le vrai silo physique. Vraiment, le silo physique avait une porte battante. Ne parlez pas DevOps, hein, s'il vous plaît. Interdit. C'était DevOps. DevOps, c'est un mot. Non, mais de toute façon, ça sert à rien. On l'a fait depuis le début. Voilà, on a mis de l'automatisation. Il y a des devs et il y a des ops. C'est DevOps. Voilà. Et, voilà. Et ils parlent pas, mais c'est pas grave. Ouais. Non, mais il y avait des devs et des ops. C'est DevOps. Ah oui. Ah, vas-y, il faut que j'en sorte une comme ça. Je me souviens que je crois que j'étais avec toi, Bart. C'était en 2012, je crois. On était allé à un salon de recrutement à Montparnasse et qui était organisé, je sais plus par qui, mais vraiment, enfin, un truc du début. Bah, c'était le premier remix de job, remix job salon, c'est un truc comme ça. Ouais. Exactement, bravo. Je suis allé voir une boîte qui faisait je sais plus quoi. Et on a croisé Corben ce jour-là. Voilà, c'est ça. C'était Corben qui était là. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on connaissait. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on y allait. Et en fait, on va voir quand même une boîte en disant bon bah voilà, on va changer. Je vais voir une boîte qui faisait du PHP sans doute un. Ça, vous avez été trendy le PHP en 2000. Ah bah c'était populaire une époque. Moi j'en ai fait aussi, mais. Moi j'aimais pas, mais voilà, c'était l'époque. On faisait et en fait je suis allé les voir et genre et montré. Moi, il y avait DevOps, voilà, je venais d'entendre ça, donc ça faisait pas longtemps que c'était... Mais je l'avais mis sur mon CV en mode, bah, c'est un peu ce que je faisais, j'étais déjà dans la CI, je faisais déjà pas mal de choses comme ça. Et en fait, les gens m'ont dit, bon, bah, enfin, cool, le DevOps, et j'aurais fait, mais ça veut dire quoi pour vous, DevOps? Ah bah, c'est simple, tu vas faire du PHP, et tu vas faire du sudo apt-get install, t'es DevOps. Et voilà, wow. C'était ça la définition du DevOps. Le début du DevOps, c'était génial. Ah ouais, c'était... Mais je pense qu'il y en a des gens, ils le pensent encore, hein, oui, sans oui. le dire. Oui. Bah, mon ancienne boîte, ils ont pris l'équipe Ops et ils ont fait, bah, ça y est, vous êtes DevOps. Ça, c'est du rebranding. Et en plus, on en parle souvent dans le meetup. Ouais. Et moi, j'ai vu aussi, dans la même année, des gens qui étaient admin 6 qui se sont rappelés DevOps. Et le jour où je suis arrivé, genre une semaine avant, ils ont été renommés SRE. Ça avait pas bougé. Exactement le la même chose. La même mission, le même taf. La même taf, tout pareil. Ouais, ouais. Mais maintenant, on était SRE. Parce que, ah bah, faut bien recruter, ma pauvre dame. Comment tu veux qu'on recrute si on n'est pas SRE? C'est honnête, quoi. Ça. Ah, c'est honnête du point de vue du recrutement. Ouais, mais ça, il fallait quelques coups à boire pour l'avoir eu, cette réponse-là. Au début, ouais. c'était pas ça. Entre ça ou mettre Kubernetes sur ses fiches de poste. Oh mon Dieu. Ah, oui. Non, sur les fiches de recrutement, mettre Kubernetes. Fiches de recrutement. Fiches de recrutement, d'avoir Kubernetes, c'est de s'en apercevoir dans un salon de recrutement. Que c'est une techno bannie. Que c'est une techno... Over my dead body. Et donc de faire corriger le truc au stylo par tous les, par tous les recruteurs qui doivent se taper tous les flyers et mettre un marqueur noir. mettre le coup de marqueur noir sur tous les flyers pour masquer Kubernetes. C'était très, très, très, très fort, les jours-là. Oui, ouais, on a bien rigolé. Ouais, ça c'est clair. Mais c'est des technologies, voilà. Oui, bah, si on vient dans les technologies comme ça, dans le choix des technologies, moi j'ai quand même eu un moment, j'ai remplacé un script bash qui était dégueulasse. Un script bash en plusieurs fichiers, plus de 400 lignes de code. Ça paraît pas beaucoup, mais 400 lignes de code en bash avec des fonctions, etc. C'est vomi. Hein. Voilà, c'était vomitif. Ça pétait tout le temps. D'ailleurs, ça pète encore toujours. Mais bon. Ah, c'est encore en prod ? C'est encore en prod. Mais je l'avais changé en me disant, bon, bah voilà, il y a Go. Là, toutes les fonctions qu'on fait, on fait de l'OpenSSL, on fait des choses comme ça. Donc, je l'ai remplacé entièrement par un script en Go. J'ai remplacé par un script en Go et je l'ai. Réécrit. J'ai réécrit, voilà. Voilà, c'était exactement les mêmes features, je n'ai rien changé. C'était exactement pareil. J'avais atteint 40% de couverture de test. Je ne suis pas développeur. Moi, 40%, j'étais ultra fier de moi. En plus, j'arrivais à tester toute la partie OpenSSL. J'étais vraiment ultra fier. J'arrivais à décompresser. Bah, c'est de 0 à 40%. Voilà, c'est ça. Et en plus, un truc, genre en un seul fichier, avec un code, etc. J'avais même mis ça sur un GitLab. J'avais fait tout le processus de CI un peu en loose day, en rajoutant des runners dans vos trucs, parce que c'est interdit GitLab. Là, c'était déjà, on est encore dans les technologies. J'ai ninja utilisé le GitLab pour ajouter des runners sur une machine qu'on avait du Kubernetes, qui est interdit aussi. Mais bon, j'ai utilisé les machines de Docker. Le mec, il est dans l'interdit de A à Z. Ah ouais, non, mais voilà, le Shadow. Et j'ai réussi à créer des comptes, parce que bien sûr, pousser sur un Nexus, c'était toujours avec l'utilisateur super admin. Hein, donc j'ai créé des comptes amoindris de services dans le Nexus pour pouvoir pousser depuis la CI. Donc en gros, j'avais un processus complet de CI/CD dans le Nexus, de mon petit outil. J'étais ultra fier. Tout ça en une journée. Vraiment, j'étais ultra, ultra fier. Je suis allé présenter ça. Puis en fait, des gens ont commencé à voir qu'il y avait un repo qui traînait dans un coin. Donc, on m'a obligé de le présenter. Je l'ai présenté devant tout le monde en disant, regardez, voilà, feature complète. C'est pas fait pour être poussé. C'est un truc. D'ailleurs, ça n'a pas le même nom pour que ça remplace pas. La première réaction que j'ai eue, un silence, premièrement. Deuxième réflexion que j'ai eue, c'est ah non, mais on va pas utiliser Go. Il va falloir l'installer sur tous les serveurs. Comment dire que Go, c'est du single binary et qu'il n'y a pas besoin de l'installer. Mais bon, voilà la première chose qu'on a eue. Et la deuxième chose que j'ai eue, c'est quelqu'un qui a sorti son PC portable, est allé sur une page du wiki interne, l'a tourné et dit « Golang, c'est pas dans la liste des technologies acceptées dans la société ». Donc fuck off ton... Et donc fuck off, on va rester sur Bash. J'ai pas eu la réflexion de dire que Bash n'était pas dans les technologies acceptées dans la société. Il n'était pas dans la liste. Je crois qu'il a été dû être ajouté après parce que j'ai commencé à en parler et les gens se sont dit merde, faut changer la loi a posteriori pour pas qu'il y ait un truc comme ça. Mais voilà. Donc en gros, il y a toujours ce script shell. Alors sachant que maintenant, le script shell appelle du Ruby en plus, qui doit appeler aussi d'autres librairies en C après. Enfin, il y a tout un... qui appelle d'autres commandes du système, etc. Un truc très très bon. C'est la secrète sauce. C'est une secret sauce que personne ne veut voir, mais qui est là et qui pète assez régulièrement. Ah oui, le code de ce script shell est dans l'organisation d'automatisation en code Git. Et donc, il n'est pas versionné. C'est-à-dire, en fait, il est réalisé en même temps que le code d'automatisation et il n'a pas sa propre cycle de vie. Donc, ce qui fait que des fois, on poussait des codes qu'on n'avait pas, enfin, qui n'avaient pas à tester. Il n'y a pas de test, enfin, etc. Voilà la chose qui était assez mignonne là-dedans. Est-ce que vous avez encore d'autres... On arrive... J'en ai une mignonnette qui parle de fesses. Alors, pour finir. De la fesse. J'étais dans toujours ma première boîte, hein, c'est bizarre, je vais vous parler que de ma première boîte. J'ai l'impression que c'est le pire qui soit arrivé, c'est toujours dans la première boîte. Hein. Après, elle a fait deux boîtes, donc la deuxième, c'est celle quatre, de maintenant. Ouais, ah, alors, il n'est pas mauvaise langue. Il n'est pas attentif là. Non, c'est très court. En fait, avec des gens de mon équipe. Non, pas de suite, c'est à la fin. Avec les gens de mon équipe, on a vu qu'il y avait des backups de la base qui n'étaient pas faits tout le temps. Quoi. Normalement, ça devait être fait. On avait une politique tous les jours, etc. Toutes les semaines pour autre chose, etc. Et on a vu qu'il y avait des trous dans les backups qu'on avait le moment où on voulait les remonter. Donc, on s'est dit, merde, peut-être un problème chez les ops. Donc, on va les voir et on leur dit, bon, bah, écoutez, les gars, on a des problèmes de backup, il y a des trous, et du coup, si un jour on a des problèmes de facture, par exemple, si on veut faire un petit rollback, ça va chier. Donc ils ont dit, ouais, pas de soucis. Après ton incident C'était juste avant. Donc il valait mieux qu'ils le réparent. Bon, ils ne savaient pas encore. Et du coup, ils ont été très sympas, ils ont regardé. Le mec, le lendemain, est allé voir sur les machines qu'est-ce qu'il y avait, etc. Et 2 heures après qu'il a fait sa petite intervention, plus de RP, plus rien. En prod, ça ne marchait plus. Et donc, du coup, panique, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? L'après-midi, on n'arrivait pas à le remonter, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. On ne savait pas pourquoi, il y avait un serveur qui avait tombé, mais n'arrivait pas à savoir. Donc du coup, ce qui avait été fait, c'est qu'à l'entrée de la boîte à 14h, il y avait un mec qui avait écrit de l'infra. Le logiciel ne marche pas, veuillez ne pas vous connecter, nous vous écrirons un mail. Et en plus, ce qu'on ne savait pas, c'est que ça avait aussi pété toute l'infra. Les mails ne marchaient pas, ne fonctionnaient pas, du coup, ils nous avaient envoyé des textos. Enfin, c'était l'horreur. Un mec bourré, il a dû faire une update. Ben... a coupé le screen ou tourné la prod. Voilà, le screen. Vous savez quoi, l'après-midi, on se dit, c'est pas possible, on va revoir en salle serveur, il y a un problème. En fait, l'Ops, en se tournant ou en faisant je sais pas quoi, avait débranché la prise avec ses fesses. Femme de ménage. Exactement. Donc, il avait tout coupé et ça nous a fait perdre une demi-journée parce qu'on n'avait pas les backups de prod. Voilà. Donc, imaginez les appels clients qui ont été perdus, les saisies qui ont été perdues, les factures, la compta. Voilà, tout ça pour une histoire de fesses. C'est pas mal. Ouais, bien amené. Moi, j'en ai des petites marrantes, des choses que j'ai déjà vues de mes yeux vus. Ça, c'était quand j'étais presta. J'ai entendu, moi, je faisais une présentation sur, je sais plus, du déploiement logiciel, sur une API, je crois. Et puis, à la fin, je fais une remarque. Ou non, c'est quelqu'un qui faisait une présentation. À la fin, je fais une remarque. Je fais, mais votre application, c'est bancal, c'est pas 12 factor. Et là, tout mon auditoire de SRE, c'était des SRE, des DevOps. Ils me regardent. Là, j'ai l'impression d'avoir dit un gros mot. Je fais, 12 factor, c'est 12 factor, quoi. Un Google Hit. Et ils me font, mais c'est quoi 12 factor? Ça sert à rien. D'où tu sors ça? Et là, j'avais l'impression d'être Frankenstein au milieu. C'est quoi pour les personnes qui connaissent pas? Tu ne connais pas, toi, tu es une développeuse. Le 12 facteur, en fait. Je ne sais plus, mais... Alors, c'est 12 facteurs à mettre dans ton application pour pouvoir la déployer facilement dans tout ce qui est cloud. Okay, okay. Ça a été fait au début pour tout ce qui était dans le monde des Roku. Après, ça s'est mis maintenant... Ah oui, donc en fait, c'est connu, les gens qui ne connaissent pas, d'accord. C'est connu, ça n'existe pas. Ça existe vraiment, d'accord. Non, mais ok, enchanté. D'accord, moi, ce que j'ai eu, un petit truc dans les types de formation, c'est bien pire. Le moment de solitude. Je faisais de la formation et je vais dans une boîte et on leur met un processus avec du SVN, avec du gestion de source, sachant que Git existait déjà. J'y vais. Et d'ailleurs, j'étais allé avec un de mes stagiaires qui était avec moi et qui me disait, mais pourquoi tu fais une présentation SVN? Il y a Git, fais-leur. Je fais, calme-toi, tu vas voir, on va déjà faire SVN. Et là, on fait une présentation comme ça à des gens qui sont managers dans l'informatique, mais depuis 20 ans, enfin, quelque chose comme ça, même plus. On fait la présentation de SVN, donc les tags, comment ça marche, le code, comment ça marche, etc. Et puis, la présentation se fait, ça dure une heure, quelque chose comme ça. On essaie de faire quand même quelque chose d'assez interactif et tout. Bon, il n'y a pas tant de choses à dire, on n'a pas manipulé, parce que ce n'est pas des gens qui allaient manipuler. Puis à la fin, personne arrive vers nous. On est en 2011-2012, hein, quelque chose comme ça. La personne arrive vers nous et nous dit, et il se retourne et nous dit, bon, vous êtes bien gentil avec ce que vous avez fait là, mais en vrai, personne n'utilise ça. Voilà, on est en 2012, on parle de SVN. Je trouvais ça très bien. Et en fait, c'est vrai, autour d'eux, personne ne l'utilisait. Quand on était allé dans un de leurs prestats qui codait, en fait, ils avaient un serveur, en fait, ils avaient une machine, un PC qui tournait dans un coin avec un Samba, un Windows Share qui tournait. Et en fait, le code était sur un Windows Share. Il était partagé. Underscore 1, underscore V2. Complètement des dossiers comme ça. Et donc, quand je leur ai parlé d'SVN, ils étaient ultra contents qu'on leur parle. Mais c'est juste qu'ils ne connaissaient pas. Et l'application était faite avec, vous savez, le truc avec des femmes dénudées dans Windows. Le magazine avec Windev. Qui est de Castel-Lolez, à côté de Montpellier. D'accord. Voilà. Enchanté. Donc, des choses bien. Il y a des choses bien à Montpellier, il faut venir voir des femmes à poil sur Windev. J'ai essayé de travailler dessus parce que j'y étais obligé, tiens, d'ailleurs. Ah, t'as vu des filles à poil ? J'ai rien compris. J'ai dû développer en français, j'étais en PLS dans un coin. je comprends pas. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Windev, allez chercher sur Internet, vous trouvez. Je ne sais même pas si ça existe encore. Si, ça existe. Si, ah, ça existe. Ah oui, vraiment. Et c'est maintenu et ils font encore du bide. Il y a Windev et Webdev pour le web. Ouais. Et ben, c'est la... Ils doivent être en bundle avec Mandrake, tu sais. Ouais, je ne suis pas sûr à 100%, mais bon. Ok, bah, je ne sais pas si vous avez d'autres choses, une petite spéciale, une petite dernière pour la route. Une dernière pour chacun, si quelqu'un a quelqu'un. Un dernier petit tour de table. Moi, c'est bon, j'ai dit mon histoire de fesses. Tu restes sur ton histoire de fesses. Ouais, parce que moi, j'ai une histoire de fesses, à part ce qui nous est arrivé, mais non, je crois pas. Ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé avec. Moi, j'ai retrouvé une ceinture un jour, une ceinture de Madame Noël sur mon bureau, un lendemain de soirée de Noël. Usagée ou. Elle avait été enlevée, la ceinture. Donc, je suis allé retrouver la propriétaire de la ceinture. T'as fait comment ? Tu l'as passée autour des tailles de toutes les filles ? Non, j'ai demandé. Quelqu'un a répondu. Et c'était pas la demoiselle en question qui a répondu. Donc je suis allé retrouver la demoiselle. Et ouais, elle a rougi. Et voilà. Comme Madame Noël. Super. T'as désinfecté ton bureau après ? Ouais, j'ai passé un coup. Moi, il y a juste un truc qui me soit arrivé une fois, c'est les gens me mettaient en prod. En fait, il y avait. Bourré ? Franchement, c'était à mon avis du pareil au même, puisqu'en fait, je comprenais pas. Enfin voilà, ils étaient en jour de mise en prod. Et en fait, je pouvais pas bosser avec eux ce jour-là. Et donc, ils m'avaient mis dans un coin. Bon, j'étais payé, je m'en foutais. J'étais en presta. Et en fait, je pouvais pas parce que ça mettait une journée entière à mettre en prod. Et en fait, ils avaient un tableau blanc où ils notaient le nom des serveurs et ils les barraient quand ils avaient mis en prod sur le serveur en question. Excellent. Ça, c'était joli. Continuous deployment over whiteboard, quoi. Voilà, c'était du Mechanical Turk deployment. Je trouve ça génial. Enfin, voilà, et avec un processus, avec des choses qu'on barrait. Un super processus automatisé. Mécanisé. Manuellement mécanisé. Manualisé. Manualisé. Manual. Voilà, mon dernier petit truc dont je me souviens. Et toi, Totor, est-ce que t'en as une dernière ? Là, des comme fesses, ça. Des fesses. Fesses du cul. Est-ce que t'as rien de sexuel Aussi nombre de creepy. Je crois pas, mais. Creepy. Halloween. Creepy. Ah, j'ai rien qui me vient en tête, là. Bon. Mais... Bah, dommage, voilà, vous en aurez pas une. Ça se trouve, on là-dessus. Sur voilà, ce, si, au revoir. Si vous avez. C'était bien. Si dans les commentaires, voilà, vous voulez réagir, sachant qu'à mon avis, on a le Spectrum que vous pouvez toujours rejoindre. Vous pouvez c'était rajouter. C'était un peu un épisode. C'est l'épisode YOLO, voilà. YOLO. C'est l'épisode d'Halloween, un spécial. Voilà, toutes les petites histoires, sachant qu'il m'en reste encore beaucoup je n'ai pas parlé. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc à revoir la vidéo en 360 là où on est encore. On dit bonjour. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo, sur toutes les plateformes, sur Twitter et sur le Spectrum. On dit merci. On va faire des retweets. Ouais. Voilà, on va faire des retweets. Et n'hésitez pas à aller voir le 360 parce qu'on a fait une déco d'Halloween. Ah oui, on a fait l'effort. Enfin, le déco, bordel, je suis pas sûre. Mais il que... y a un petit déco. On remercie le un bon petit coin. Déco. Voilà, c'est vrai qu'on en a pas parlé. On est dans les locaux du bon coin. On les remercie fortement parce qu'ils sont magnifiques. Enfin, moi j'aime bien. Bon, là, vous en voyez pas grand-chose. La provinciale vous dit ça. Voilà. Une start-up de 10 personnes, quand ça sort, ça fait du bien. Voilà. Hein, on est content. Donc, merci à tous. Merci à Estelle pour la première. Merci à vous tous. C'était super. On aimerait bien reparler avec toi de choses un petit peu plus sérieuses. Je reviendrai. I will be back. Ah, voilà, sachant que voilà, on a un profil vraiment différent pour le coup, et c'est ce qu'on souhaite avoir. Et puis, si vous avez des questions sur l'UX, sur l'agilité, avec plaisir. Voilà, toujours. Donc un nouveau thème, des nouveaux thèmes que vous pouvez rajouter dans le Spectrum pour une prochaine émission. Alors, j'ai pas dit du X, hein. DU-X. Je vois ses regards tout contents. Lubrique. Non, le user experience. Le user experience. Donc, parlez de ça. Allez la voir en France et en Navarre dans toutes les présentations qu'elle peut faire en tournée partout en France. En tournée dans vos journaux. Voilà. Et donc, encore une fois, dans votre ville. Si vous voulez participer physiquement au podcast, eh bien, manifestez-vous sur le Spectrum. Et sachant qu'on aura peut-être une petite surprise qui va arriver d'ici peu, quelque chose en remote pour le coup. Voilà, on vous en dira un peu plus, vous le verrez passer. Ah, on va essayer de faire ça, oui. Voilà, on aura peut-être quelque chose d'un petite peu nouveauté. Plus marrant, un peu moins formel. Plein de surprises. Et si vous souhaitez vraiment participer et que vous n'êtes pas disponible physiquement, venez nous voir et on trouvera forcément un moyen. Venez nous voir physiquement. Venez nous voir physiquement. Et on prend un truc pas physique. Venez sur Paris. Et on fera un podcast à distance. Voilà. C'est ça, ouais. Mais en tout cas, vous êtes super et merci à vous trois. C'était un super moment et super découverte. Super. Ben, merci à tous. Bon DevOps. Ouais, toujours. Et bon Halloween. Bye bye à tout le monde. Bon Halloween. Ciao.